Qui était-il vraiment ? Une éminence grise du grand capital, pour reprendre les clichés de l'époque ? Un révolutionnaire fourvoyé ? Ou simplement un personnage supérieurement intelligent qui se jouait des hommes comme d'autres avancent des figurines de bois sur un échiquier ? Sans oublier l'amour immodéré qu'il avait pour nos vins et nos plats en sauce. Irving Brown, citoyen américain et manipulateur de grand talent, qui présida dans l'ombre à la naissance du syndicat Force ouvrière et conduisit à travers toute l'Europe d'obscures manœuvres contre l'hydre soviétique, rameutant pour son camp d'illustres intellectuels, mais n'hésitant pas à s'acoquiner avec d'authentiques gangsters. On va le constater dans ce deuxième épisode consacré à cet ancien syndicaliste américain qui a distribué des millions de dollars directement issus des caisses de la CIA. Première étape, Marseille et la lutte féroce pour le contrôle du port. Après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste a fait de Marseille l'une de ses places fortes. Oui, parce que la résistance a été particulièrement active dans la région. En effet, conséquence obligée, c'est la CGT qui fait la loi sur le port. Ouais, les dockers, oui. Oui, qui dispose d'un quasi-monopole d'embauche. Or, le port, c'est le poumon économique de Marseille. Et son contrôle est donc essentiel. Et pour les Américains, il revêt une importance particulière. Pourquoi ? À cause du plan Marshall. Le plan américain d'aide à l'Europe ruinée par la guerre. Oui, un programme qui a bien sûr été très critiqué par le camp de l'Est. Moscou considérait en effet que ce plan Marshall était en réalité une manœuvre américaine visant à mettre sous tutelle les pays de l'Europe occidentale. Et d'ailleurs, sous la pression de Moscou, les pays d'Europe centrale, libérés par l'armée rouge et bientôt soumis à l'URSS, ont refusé l'aide économique que leur proposait Washington. L'acceptation ou pas de ce plan symbolisait la partition de l'Europe. Et là, je voudrais faire une parenthèse qui nous ramène directement à Irving Brown et à ses amis. Il est établi qu'une toute petite partie de l'aide financière prodiguée par le plan Marshall a été détournée et a réellement servi à payer les monnaies de la CIA en Europe. Financement de syndicats et de partis politiques. Et aides diverses à des officines anticommunistes. Mais on verra ça tout à l'heure. En attendant, revenons à Marseille. C'est là que sont débarqués matériels et équipements fournis par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall. Et c'est de Marseille que vont partir en direction de l'Indochine les troupes françaises et l'armement qui leur est nécessaire. En outre, un peu plus tard, lors de la guerre de Corée, on y verra passer des GIs américains stationnés en Europe et envoyés combattre en Extrême-Orient. Autant de trafic alors portuaire qui ne recueille pas l'assentiment des communistes. Les communistes qui sont donc tentés de s'y opposer par l'intermédiaire des adhérents de la CGT. Et les manœuvres commencent très tôt. Dès la fin de la guerre, la Fédération syndicale mondiale, proche des communistes, installe un bureau maritime à Marseille. Pour Brown et ses amis qui surveillent la situation de très près, il est évident que ce bureau n'est qu'une émanation du Cominform, l'organisation des partis communistes mise en place pour faire pièce à l'Alliance Atlantique. Comment les Américains répliquent-ils alors ? C'est Brown qui est à la manœuvre. Et presque naturellement, après avoir joué le rôle qu'on sait dans la création du syndicat scissionniste Force ouvrière, l'Américain encourage l'implantation d'une section syndicale à Marseille et il se trouve un allié de poids. Qui ? Un homme qui jouit d'une réelle popularité. Pierre Ferry Pisani. Rappelez-vous, je vous ai parlé de cet homme quand nous avons évoqué ensemble la saga des deux frères Guérini. Les parrains Guérini, les parrains de la bègre marseillaise. C'est ça. Alors, qui est Ferry Pisani ? Ce marin est un homme de gauche, un socialiste courageux qui, avant-guerre, à la tête du syndicat des marins, a tenu la dragée haute aux truands corses qui régnaient sur la ville. Des gangsters qui ont ensuite versé dans la collaboration. Tandis que Ferry Pisani, lui, a bien entendu choisi la résistance. Ça lui a valu d'être déporté. Et c'est un miracle s'il est revenu vivant après la libération des camps. Et il a aussitôt renoué avec la vie politique et syndicale. Malgré son mauvais état de santé, oui, mais à son retour, il découvre que beaucoup de choses ont changé. Il y a d'abord chez les socialistes l'émergence d'une forte personnalité. Ouais, Gaston Lefebvre. Résistant, lui aussi, ce jeune avocat est devenu le numéro un régional de la SFIO. Et il aspire à prendre la mairie de Marseille. Mais surtout, il n'entend pas se laisser concurrencer par Ferry Pisani, malgré l'incontestable popularité de ce dernier. Ferry Pisani, qui va d'ailleurs l'empêcher de prendre la mairie en 1947. Et puis, il y a les communistes, plus forts que jamais. Ouais. Alors, autant d'obstacles sur la route du syndicaliste Ferry Pisani, qui veut recouvrer la place et l'autorité qu'il exerçait avant-guerre. Envoyé à Marseille, Erwin Braun comprend très vite quel parti il peut tirer de cette situation conflictuelle. Toujours généreux avec l'argent des syndicats américains. Et donc, si je vous ai bien entendu, la semaine dernière, des fonds mis à la disposition des services spéciaux. Hein. C'est ça. Donc Braun, qui dispose de moyens importants, aide Ferry Pisani à se hisser à la tête de la section force ouvrière de la marine marchande. Puis, toujours main dans la main avec l'ancien déporté, il suscite la création d'un syndicat des dockers. Affilié à force ouvrière. Évidemment. Mmh. Et ensemble, toujours à l'initiative de Braun, les deux nouvelles sections syndicales participent à l'implantation du comité méditerranéen des gens de mer. Une organisation qui est clairement une réplique à la création du bureau maritime de la FSM, la Fédération syndicale mondiale. Alors, c'est la guerre ? Pas encore. Ben, ça ne va pas tarder. Et les dérives aussi. Ouais, c'est-à-dire ? L'irruption des truands. Dès 1948, on observe que des navires américains affrétés dans le cadre du plan Marshall sont déchargés sous la protection d'hommes armés recrutés par Antoine Guérini. Il y a donc eu accord entre les syndicalistes FO et les gangsters. Ça me semble évident. Ferry Pisani, faute de disposer de suffisamment de gros bras, a conclu un marché avec Guérini. Solidarité Corse. On peut l'imaginer. Et c'est Braun qui paye ? Forcément. Braun, qui, il faut le souligner, n'a aucun scrupule à se servir de ces truands. Bien au contraire. D'après de nombreux témoignages, ce bon vivant apprécie au plus haut point ses nouveaux amis corses, qui lui ouvrent toutes grandes les portes de leurs établissements de plaisir, restaurants, boîtes de nuit, etc. Mais la situation va peu à peu se durcir. Hein. Et l'année clé, c'est 1950. Les dockers CGT, afin de protester contre l'expédition de matériel militaire à destination de l'Indochine, décident de boycotter les navires affrétés dans ce but. Une action de protestation qui fait rapidement tache d'huile. Les mineurs, les ouvriers de la métallurgie, les cheminots rejoignent le mouvement. Braun et ses amis décident de réagir. La CIA ne mégote pas sur l'argent nécessaire au financement de la riposte. 2 millions de dollars servent à payer les hommes de main de la pègre et aussi les travailleurs jaunes recrutés en Italie. Résultat, non ? Des incidents très graves qui se produisent. Il y aura même un mort du côté des grévistes. Mais le mouvement contestataire finit par être brisé. Braun et son ami Ferry Pisani ont gagné et sont désormais les maîtres des quais. Les truands ont été fortement engagés dans cette guerre. Et les armes à feu ont parlé. Les Guérini, très contents d'eux-mêmes, ont même osé affirmer que s'ils ont sorti les calibres, c'était pour défendre leur liberté d'entreprise. Étrange justification pour des gangsters. C'était peut-être leur façon à eux de remercier leurs commanditaires. De la même manière, ils se montrent extrêmement hospitaliers vis-à-vis de ce comité anticommuniste des gens de mer, qui a souvent tenu ses réunions dans les boîtes de nuit des deux frères. C'est bon, on était au moins sûr de ne pas mourir de soif. Écoutez, plus sérieusement, cette collusion entre la pègre et le syndicalisme va avoir des conséquences extrêmement néfastes. Les truands, vous le savez bien, ne font jamais rien pour rien. Aussi, après avoir agi avec une telle efficacité contre les communistes, demandent-ils à être payés de retour ? J'imagine que leur engagement n'a pas dû être gratuit. Hein. Certes, mais ils en veulent plus. Et maintenant, ils ont des arguments. Tout cet argent qu'ils ont reçu des services américains ? Les billets verts, ça laisse des traces. Par conséquent, Braun et ses amis syndicalistes, Lovestone et les autres, doivent prêter une oreille attentive aux demandes des parrains corses. Et puis, on ne sait jamais. À l'avenir, on pourrait à nouveau avoir besoin d'hommes de main pour sécuriser le port. Mais ces demandes-là... Je crois que vous aviez compris. Il s'agit de fermer les yeux sur quelques menues activités de la pègre. Le trafic de drogue, par exemple. La CIA est invitée à favoriser quelques livraisons. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les premiers laboratoires de transformation de la drogue éclosent à Marseille, tout de suite après que la pègre a rétabli l'ordre sur les quais. Et les autorités policières françaises Ils n'ont pas grand-chose à dire. L'ami américain est alors tout puissant et s'occupe avec la générosité d'un pays encore convalescent. Par conséquent, ce que vous voulez dire, il faut faire des concessions. Et fermer les yeux quand on vous le demande poliment. Au reste, cette drogue n'est pas destinée à la France, mais à l'Amérique. Autre chose, vous m'avez présenté à plusieurs reprises, comme un bon vivant. N'a-t-il pas profité lui aussi de ces liasses de dollars qui lui passaient entre les mains ? Pour faire fortune ? Non, je ne crois pas. Certes, il vivait sur la bête en fréquentant les meilleurs restaurants, par exemple, mais ça n'allait pas au-delà. À sa façon, Brown était honnête et ne vivait que pour remplir cette mission qu'il s'était assignée, la lutte contre les communistes. Et il y consacrera sa vie entière. En attendant, il doit quitter Marseille contraint et forcé. Jusqu'où sont allées les relations équivoques entre le syndicaliste Pierre Ferry Pisani, l'agent américain Irving Brown et la pègre? Jacques Folouroux et Vincent Nouzil donnent des éléments de réponse très troublants dans leur ouvrage sur les parrains corses, paru chez Fayard, je les cite. Adepte des liaisons dangereuses, Brown et Ferry Pisani aurait participé à une réunion à Bordeaux en 1952 pour, entre guillemets, sécuriser le port, avec des amis du milieu corse, Antoine Guérini, Joe Renucci, Jean Colonna et le chimiste de la drogue, Joe Cesari. Dans sa lutte anticommuniste, Brown est même favorable à l'utilisation de néo-nazis ou de personnages troubles mouillés dans la collaboration. Pierre Ferry Pisani recommande par exemple à son ami Brown d'entrer en contact avec l'ancien truand collabo François Spirito, qui est en train de purger une peine de prison pour trafic de drogue aux États-Unis. L'ex-parrain pourrait éventuellement fournir une aide précieuse s'il était autorisé à revenir à Marseille, un peu comme Lucky Luciano, le boss de la mafia sicilo-américaine, sorti de son pénitencier américain en 1946 pour être expédié en Italie. Renseignement pris auprès de ses avocats aux États-Unis, Irving Brown n'est guère optimiste. Spirito ne serait d'aucune utilité s'il était réexpulsé en France. Il y a été condamné à mort. Alors pourquoi Brown, qui a, de son point de vue en tout cas, si bien réussi à Marseille, doit-il quitter la ville ? À cause de Gaston Defferre. Ah oui, ça mérite une explication, ça. Candidat sérieux aux prochaines élections municipales, celui qui aspire à devenir l'homme fort de Marseille, entend se débarrasser définitivement de Ferry Pisani, son rival de toujours. L'homme qui lui a barré la route de la mairie en 1947. Alors, Defferre, hein, on le sait bien, est un rancunier. Ah, mais il n'oublie jamais ceux qui lui ont manqué. Cependant, pour éliminer Ferry Pisani, il lui faut d'abord éloigner Irving Brown, qui est à la fois son principal soutien et son pourvoyeur de fonds. Defferre, qui est très habile, profite de son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Marine Marchande pour régler l'affaire. Il écrit à Henri Cueil, le président du Conseil, pour se plaindre du comportement de Brown. Mais sous quel motif, alors ? Parce que, après tout, en brisant la grève communiste, Brown lui a aussi rendu service à lui de faire, non ? Vous avez raison. Et ce ne sont pas non plus les rapports de l'Américain avec le milieu qui le choquent, puisque de faire lui-même, nous, des relations très amicales avec l'un des frères Guérini. Oui, Mémé. Oui, l'autre frère, Antoine, préférera le kangoliste. Non, non, non, ce qui gêne le futur maire de Marseille, c'est vraiment la complicité qui existe entre Brown et Ferry Pisani. Alors, dans sa lettre au président du Conseil, il argue du fait que la présence de Brown à Marseille, alors que le port a recouvré la paix, pourrait entraîner des troubles. De la part des communistes ? Ah ben ça, il ne l'écrit pas, mais enfin, il le suggère. Comme il fait aussi allusion aux éléments troubles qui traînent dans le sillage de l'Américain. Alors que lui-même est du dernier bien avec Mémé Guérini. Oui, oui, mais enfin, ne confondons pas. S'il lui arrive, et toujours de la façon la plus discrète de voir Guérini, c'est parce que celui-ci a combattu sous ses ordres dans la résistance. Ouais, un peu hypocrite, non ? Écoutez, je vous laisse juger. En tout cas, le courrier du ministre de Fer va produire son effet. Et vraisemblablement, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France qui a suggéré à Irving Brown de quitter Marseille. Alors Brown dit adieu à ses amis truands chez qui il se plaisait si bien. Ce n'est qu'un au revoir. L'Américain aura encore l'occasion, pour les besoins de son travail d'agent secret, de nouer des contacts avec des hommes du milieu. Et les services antidrogue, tant français qu'états-uniens, le placeront même, quelque temps, sous surveillance. Oui, mais sans rien trouver. Naturellement. Et en gardant leurs soupçons pour eux. Il faut savoir que Brown disposait d'un privilège assez étonnant. il pouvait entrer aux États-Unis sans être contrôlé ni fouillé. Ah oui, comme un diplomate, donc. En effet. Mmh. Et alors, après l'épisode marseillais, que fait-il? Ben, il ne reste pas inactif, rassurez-vous. Il va même être l'un des artisans de l'une des plus formidables opérations de propagande mises en œuvre par la CIA. Mais auparavant, Brown s'intéresse beaucoup à un homme très influent, Georges Albertini. Ah oui, c'est l'ancien collaborateur, ça. Lui-même. Ouais. Ouais. Albertini, je vous le rappelle, a été le numéro 2 du Rassemblement National Populaire créé par Marcel Déat, un mouvement qui s'est engagé à fond dans la collaboration. Et ça vaut à Albertini d'être emprisonné dès la libération et d'être inculpé d'intelligence avec l'ennemi. Oui, c'est une inculpation extrêmement grave. Oui, et qui en ces temps-là conduit directement au poteau d'exécution. Oui, mais Georges Albertini, lui, s'en sort. Hein. Et c'est proprement incroyable. Le doit-il aux faiblesses d'une justice surchargée, à quelques mystérieuses protections, à la complicité de quelques policiers corses, ou à son propre talent d'orateur lors de son procès? Il n'a en effet rien négligé pour accabler Déa, son ancien patron, et a osé se présenter comme un homme de gauche égaré. Toujours est-il qu'il échappe à la condamnation à mort et s'en tire avec 5 années de réclusion. Une condamnation de principe. Et alors même que la guerre n'est pas terminée et que l'épuration bat son plein. Et ce qui suit est assez incroyable. Dès 1948, Albertini bénéficie d'une grâce spéciale du président Auriol et il est libéré. Là encore, certaines connivences politiques ont incontestablement joué. Ils sont passés d'hommes de gauche. Même de socialistes. Alors, rapidement, en ces périodes de guerre froide, on se dit qu'il pourrait rendre bien des services. Mais pourquoi? Parce que cet homme de réseau connaît beaucoup de monde et que c'est un fin connaisseur du monde politique. D'ailleurs, il ne tarde pas à être engagé par un célèbre banquier qu'il a connu en prison, Hippolyte Borms. Mmh. Mais engagé pourquoi? Bon, en principe, il est ingénieur conseil et dispose d'un bureau, mais... En réalité, c'est son influence que Worms a engagé. Car, rapidement, Albertini va mettre sur pied un service de renseignement politique hors pair, doublé d'une véritable officine de propagande qui recrute, bien sûr, d'autres anciens collabos et entretient la publication de brochures anticommunistes. Un entourage douteux qui n'empêche pas certains organismes patronaux, dont la célèbre Union des industries minières et métallurgiques, qui a beaucoup fait parler d'elle ces temps-ci, de financer les activités d'Albertini. Ouais. Et c'est là, j'imagine, que nous allons retrouver Irving Brown. Ah, car l'Institut d'histoire sociale que va refonder Albertini devient une formidable source d'informations sur tous les mouvements de gauche, les groupuscules comme les grands partis, en passant par les syndicats. Ah, et c'est ça qui intéresse Brown. Ça et le formidable réseau que construit l'ancien collaborateur année après année. Car tout le monde s'accorde à le dire, Albertini devient l'un des personnages les mieux informés de France. Et c'est pour cette raison que de nombreux hommes politiques de gauche comme de droite, et pas des moindres, viennent quémander ses conseils, surtout en période électorale. Alors, vous avez raison, revenons à Brown et ses rapports avec Albertini. Au fond, les deux hommes ont des desseins communs. Ouais, ils étaient faits pour se rencontrer. Et à travers leurs réseaux respectifs, ils échangent des informations et s'épaulent lorsqu'il s'agit de conduire des opérations de propagande. Est-ce que la petite entreprise d'Albertini a bénéficié des dollars de la CIA? Ça n'est pas exclu, encore que, vous l'avez compris, Albertini disposait de solides ressources financières et que ses appuis politiques le mettaient à l'abri du besoin. Un dernier mot à propos de cet homme de l'ombre. Jusqu'à sa mort, en 1983, Georges Albertini demeurera un homme très écouté. Et ses clients, si je peux parler ainsi, couvriront une grande partie du champ politique, de Georges Pompidou à Guy Mollet. Oui, en passant par Marie-France Garraud. Alors, précédemment, vous avez annoncé une formidable opération de propagande de la CIA à laquelle a été associé Irving Brown. Le Congrès pour la liberté et pour la culture, ça vous dit quelque chose? Vaguement, c'était un mouvement d'intellectuels, c'est ça, hein? Tout à fait. La réunion de plusieurs grands noms de la littérature, de la philosophie et du journalisme. Ils sont aussi rejoints par quelques artistes. Des intellectuels qui, depuis la fin de la guerre, sont tous préoccupés par l'emprise du marxisme sur la culture occidentale. Une emprise qui tente à devenir une sorte de monopole qui s'exerce sur la pensée et le monde des idées. Ouais, alors, c'est donc l'anticommunisme qui les réunit, là. Essentiellement. Mmh. Ou plutôt, la crainte du communisme. Car ces gens-là, tous plus prestigieux les uns que les autres, ne sont pas des militants, au sens propre du terme. mais ils veulent pouvoir s'exprimer librement en dehors de la sphère d'influence marxiste. Ouais. Mais l'idée de la réunion vient d'où alors ? Bah, c'est là où je voulais en venir, car cette initiative n'a rien d'innocent. Et beaucoup de ces intellectuels ne découvriront que très tardivement qu'ils ont été manipulés à leur insu. Auprès d'Albertini se trouvait un homme qui a joué un grand rôle, une sorte de légende de l'anticommunisme. Je laisse la parole à Frédéric Charpier, auteur d'un récent livre sur la CIA en France, paru au Seuil. Dès sa sortie de prison, Albertini songe à créer une revue d'un genre spécial, entièrement consacrée à l'étude du phénomène communiste. Son avocat le présente lors d'un dîner à Boris Souvarine, qui pourrait lui être d'une grande utilité. Avec Raymond Aron, Souvarine est sans doute l'un des esprits les plus puissants de l'anticommunisme de l'après-guerre. Petit et souffreteux, homme au physique grêle et disgracieux, et à la vue défaillante, Souvarine est l'un des fondateurs de la Troisième Internationale qu'il a quittée au moment de la mort de Lénine, avant de s'éloigner peu à peu du marxisme au cours des années 20, et de rallier, dans la décennie suivante, le camp de l'anticommunisme. Pendant la guerre, grâce à une intervention de Vichy, il obtient un visa et s'exile aux États-Unis, où il collabore avec les services secrets de la France libre avant de rentrer en France en 1947, doté d'une bourse universitaire que lui a fait attribuer la CIA. Avec ce subside, il refonde l'Institut d'histoire sociale, dissous au moment de la guerre et qui, bientôt associé à la centrale d'Albertini, en deviendra une succursale. Dans sa remise en selle de l'IHS, Souvarine reçoit également l'aide financière du groupe Worms, et à partir de 1952, celle du président de la Ligue juive anticommuniste américaine, Alfred Kohlberg. À l'origine de la création de ce congrès pour la liberté de la culture, il y a une simple observation. Dans le monde occidental, et surtout en Europe, ce sont les intellectuels marxistes qui tiennent le haut du pavé. Et en 1949, la tenue à Paris du Congrès international du Mouvement pour la paix va consacrer cette domination. Le Mouvement pour la paix, c'est une organisation pour laquelle Picasso va dessiner sa fameuse colombe blanche. Hein, ouais. Et qui est alors largement sous la coupe des communistes. C'est hein, exact, oui. Par conséquent, aux États-Unis, il existe un certain nombre de gens qui ils voudraient bien organiser un contre-feu. Et ces gens-là Ils se comptent bien sûr parmi les plus conservateurs. Et certains se trouvent à la Maison Blanche, ou en tout cas dans les cercles dirigeants. Et dans les services secrets. Naturellement. La toute nouvelle CIA, elle a seulement été créée en 1947, brûle d'envie de faire ses preuves. Mais il faut aussi tenir compte d'une autre organisation américaine chargée de conduire des opérations clandestines, l'OPC. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve Irving Brown. Et pourquoi lui, alors ? Parce qu'on juge en haut lieu que la façon dont lui et son mentor, Lovestone, ont canalisé la puissance contestatrice des syndicats au profit de la lutte contre le communisme est susceptible de faire école. Quoi, faire école chez les intellectuels, hein ? Exactement. C'est pourquoi Brown, qui a obtenu de pouvoir détourner une petite partie des fonds destinés au plan Marshall au service de sa nouvelle mission, fait une nouvelle fois le voyage à Paris. Mmh. Qu'envisage-t-il alors ? Il voudrait réunir un certain nombre d'intellectuels qui pourraient tenir un meeting susceptible de faire un peu d'ombre au mouvement pour la paix. Mais attention, il ne s'agit pas de faire de l'anticommunisme primaire, non. L'Américain va proposer l'organisation d'une journée internationale de résistance à la dictature et à la guerre. Ouais, c'est effectivement moins provocateur. Et qui pourrait être en faveur de la dictature et de la guerre. Ouais. Irving Brown commence donc sa tournée des intellectuels. L'ancien trotskiste David Rousset, auteur d'un monumental ouvrage sur les camps de concentration. Il a lui-même séjourné. C'est juste. Ouais. Donc Rousset l'accueille favorablement. Il vient d'ailleurs de créer avec Sartre un mouvement qui prône une troisième voie entre communisme et atlantisme. D'autres intellectuels comme Simone de Beauvoir ou André Breton les rejoignent. Et aussi des Américains tels John Dos Passos. Mais très intelligemment, Brown et ses amis élimine des anticommunistes notoires comme Raymond Aron ou Arthur Kessler. Il faut avancer masqué, quoi. Mmh. Et le résultat ? Les organisateurs du meeting qui s'est tenu aux Veldives peuvent se féliciter. Il y a eu du monde. Pourtant, le bilan est mitigé. D'abord, parce que les communistes n'ont guère été abusés et ont vu la main des Américains derrière cette initiative. Et ensuite, parce que certains discours neutralistes ont froissé les oreilles américaines. Mais pour Brown, ce n'est au fond qu'un début. Il faut transformer l'essai. Mais c'est Michael Josselson, un agent de la CIA, qui est chargé de cette tâche. Brown est remercié ? Ah bah pas loin du monde, mais il n'a pas que ça à faire. Ah oui. Non, il garde l'œil sur ce projet qui lui tient à cœur. La preuve, c'est que le comité de pilotage élire à domicile à l'hôtel Baltimore, là où Brown a ses habitudes. Et puis c'est lui qui va continuer à financer l'opération. Ouais. Un mot peut-être là, sur ce nouveau venu, Josselson. Ce juif balte, polyglotte, a d'abord fait carrière dans le renseignement militaire américain en Allemagne occupée. Il a participé à la dénazification dans les milieux intellectuels. Puis il se lance dans l'édition et inspire la renaissance de la vie culturelle allemande. Mais il est toujours en cheville avec les services états-uniens. Alors c'est donc cet homme qui a été choisi. Ah, parce qu'il est cultivé, sympathique et très habile. D'ailleurs, Josselson ne fait jamais profession d'anticommunisme. Non, c'est seulement un intellectuel antitotalitaire, comme il aime à se présenter. Quoi qu'il en soit, son idée d'organiser un congrès pour la liberté et pour la culture reçoit très vite l'assentiment d'un grand nombre d'illustres personnages, à commencer par le Britannique Bertrand Russell, le philosophe Karl Jasper ou l'écrivain catholique Jacques Maritain. Ça lui permet de réunir à Berlin, en juin 1950, la conférence fondatrice. 50, alors que la guerre de Corée vient de commencer. C'est juste. Le succès est impressionnant. Pour ne parler que des Français qui ont participé ou envoyé des messages de sympathie, on trouve André Gide, Raymond Aron, Albert Camus, Jules Romain. Et puis il y a de nombreux politiques issus de la résistance, tels Henri Freinet. Et encore des socialistes, comme Léon Blum. Toutefois, ce succès doit déboucher sur des structures permanentes. Brown et Josselson s'y attellent aussitôt. Le Congrès pour la liberté, pour la culture, est doté d'un comité exécutif, puis d'un secrétariat international. Et l'argent ? La CIA, dont fait maintenant partie Josselson, est le principal bailleur de fonds de l'organisation. Mais les membres du CLC, le Congrès pour la liberté et pour la culture, l'ignorent, ou, dans le pire des cas, font semblant de ne pas le savoir. L'argent vient quand même de quelque part. Oui, hein. Mais ces intellectuels évitent de se poser la question. Ah, oui. On parle de donateurs, et pour sa part, Brown peut affirmer, sans risque d'être détrompé, que les syndicats américains participent financièrement. En même temps, le Congrès se dote d'appendices nationaux. L'émanation française se nomme l'Association des Amis de la Liberté. Elle est activement soutenue par les démocrates chrétiens du MRP et les socialistes. C'est ce qu'on appelle alors la troisième force. Qui est ouvertement atlantiste. La période est alors faste pour le CLC. Les intellectuels non communistes y trouvent une structure d'accueil qui leur fournit des livres, des brochures, autant d'outils qui leur permettent de résister à la pensée dominante. Ouais, c'est-à-dire le marxisme. Et une élégante revue, Preuve, est éditée par les Amis de la Liberté. Elle héberge rapidement d'excellentes signatures. De jeunes journalistes de gauche y donnent des articles de haute tenue. Même François Mitterrand y va de sa participation. Quant à Brown, il veille attentivement sur son bébé et encourage aussi la création d'autres revues européennes qui échangent leurs articles. C'est une sorte de réseau intellectuel. Enfin, en effet, l'ambition de l'Américain qui multiplie les initiatives. Expositions culturelles, colloques, festivals, concerts, etc. Même le prix Nobel de littérature, William Faulkner, accepte de parrainer l'une de ces manifestations. Mais paradoxalement, le principal obstacle à cette offensive culturelle et politique se trouve aux États-Unis même. Et quoi alors ? McCarthy et la chasse aux sorcières. C'est pain béni pour la presse communiste qui, dans ses journaux, à longueur de colonne, ne cesse de dénoncer la folie obsessionnelle du sénateur américain. Même Raymond Aron doit le reconnaître dans la revue Preuve, l'activisme de McCarthy nourrit l'anti-américanisme. Et met donc à mal alors les efforts de Brown et de Josselson. C'est exact. Cependant, la revue Preuve connaîtra encore de beaux jours, même si la CIA finira peu à peu par prendre ses distances avec le Congrès pour la liberté et pour la culture. Mais pourquoi alors ? Sans doute parce que le contrôle des intellectuels finit par lasser. Ces gens-là sont imprévisibles et rebelles par nature. Une réunion tenue à Mexico se transformera en un véritable procès contre les États-Unis. Conférence qui pousse Brown et quelques autres à prendre leur distance. Mais le véritable coup d'arrêt sera donné en 1966. Que se passe-t-il là ? Cette année-là, le New York Times dévoile le poteau rose, le congrès pour la liberté et pour la culture, et depuis le début financé par la CIA. Pour beaucoup d'intellectuels sincères, cette révélation sonne comme un coup de tonnerre. On a l'impression d'avoir été manipulé. Je pense en particulier à tous ceux qui ont apporté des articles à preuve. Alors, bien sûr, ils poussent des cris d'orfraie, mais franchement, c'est aussi leur manque de curiosité qui est en cause. Pourtant, et là je vais me faire l'avocat du diable, je pense que certaines initiatives du Congrès ont été positives. Je pense par exemple aux intellectuels des pays de l'Est muselés chez eux et qui, grâce au CLC, ont pu faire connaître leurs œuvres et même nouer des contacts avec leurs confrères de l'Ouest. Malgré le rideau de fer. Oui, et c'était l'esquisse d'une fraternisation entre les talents de l'Ouest et de l'Est. Oui. Et que fait Brown, alors, après cette aventure? L'Américain n'est pas du genre à rester les deux pieds dans le même sabot. Et à partir du milieu des années 50, c'est l'avenir de nos colonies qui va l'occuper. Les colonies françaises? Oui, oui. Leur avenir est bien sûr la décolonisation. Mais quoi, il est mandaté par la CIA, là? Je vous fais d'abord remarquer que depuis Roosevelt, les États-Unis ont poussé les autorités françaises à accélérer la décolonisation. Oui, ils sont même allés plus loin en encourageant certains mouvements indépendantistes. Hein. Ça a été le cas au début de la guerre d'Indochine, où les Américains avaient carrément pris le parti d'Ho Chi Minh avant de nous aider ensuite au nom de la défense du monde libre. Mais en Algérie aussi, ils ont tenté de jouer un rôle en aidant discrètement le FLN. Et c'est là où va intervenir Erving Brown, qui a déjà soutenu le syndicat indépendantiste tunisien. Ça lui vaut d'ailleurs des représailles de nos services secrets qui, sous le faux nez de la Main Rouge, ont assassiné l'un de ses protégés. La Main Rouge, c'est sans doute une émanation de nos services spéciaux. Mmh. Et en Algérie, alors? Brown, qui va à l'occasion fâcher ses bons amis de Force ouvrière, met tout en œuvre pour faire admettre le syndicat algérien UGTA au sein de la Confédération internationale des syndicats libres. Alors, le GTA est très proche du FLN. Hein. Ça irait même si loin que les autorités françaises d'Alger l'expulseront. Expulseront Brown. Mmh. En tout cas, pour vous, ça veut dire que la CIA a décidé de soutenir la cause algérienne. Ça me paraît clair, non? Et personnellement, Brown devient une cible pour les ultras de l'Algérie française et échappera de justesse à deux attentats, ce qui ne mettra nullement fin à l'activisme anticommuniste de Brown. L'ancien socialiste finira même par tomber dans les bras de Ronald Reagan. Eh ben. Et tenez, quelque temps avant sa mort, on découvrira aussi qu'il a octroyé 500 000 dollars à un syndicat étudiant français, à un organisme minoritaire, mais issu du SAC. Ça méritait bien un petit cadeau. Pour tous ceux qui seraient intéressés par l'aventure du Congrès pour la liberté et pour la culture, il existe un livre exhaustif. L'intelligence de l'anticommunisme de Pierre Grémion, publié par Fayard. Un dernier mot qui a peu à voir avec ce qui précède, encore que l'auteur du livre que je vous recommande a été au cœur de l'actualité de ces dernières décennies. Souvenir curieux d'une espèce de Hongrois est un ouvrage formidable du journaliste Georges Walter. Une promenade impressionniste, riche en anecdotes où, toujours, l'ironie le dispute à l'intelligence et la culture, à la modestie, un livre édité par Taillandier.